Kommen signifie venir. Bekommen, c'est recevoir. Bekommen, avec la particule be qui s'écrit be. Pensez-vous que be se détache? Non, parce que vous avez insisté sur kommen, donc be reste attaché. C'est exact. Be est trop faible pour se détacher de kommen. Comment diriez-vous « je reçois cela »? Ich bekomme es. Bien. Ich bekomme es. Donc, bekommen, c'est recevoir. Ankommen signifie arriver. J'arrive se dira. Ich ankomme. Je n'ai pas dit ankommen. Oh. Non, j'ai dit ankommen. Arriver, c'est ankommen. Comme je vous le disais, si l'accent est sur la particule, il conduit à détacher celle-ci du verbe. Si au contraire la particule n'est pas accentuée à l'oral, alors elle reste toujours attachée au verbe. Par exemple, pour recevoir, j'ai dit bekommen et pas bekommen. Bekommen, recevoir. Comment diriez-vous je reçois? Je reçois cela. Ich bekomme es. Ich bekomme es. Quant à arriver, on ne dit pas ankommen, mais bien ankommen. Ankommen. Donc, j'arrive se dira. Ich komme an. Bien. Ich komme an. Ich komme an. Ich komme morgen an. J'arrive demain. Ou je vais arriver demain. Vous voyez, là, on utilise le présent pour parler de quelque chose qui, en réalité, se passe dans le futur proche. La particule séparable est décidément très indépendante. Elle s'en va tout à la fin de la phrase, après morgen. Demain matin se dit morgen früh. Früh, qui s'écrit F-R-U umlaut H, signifie tôt. Et morgen, c'est le matin. Mais on avait vu que morgen voulait aussi dire demain. Pourtant, on ne dira jamais morgen, morgen, pour demain matin. Pour dire ce matin, vous avez le choix. Vous pouvez dire heute morgen, aujourd'hui matin, ou encore heute früh, aujourd'hui tôt. Morgen früh, c'est demain tôt, ce qui signifie demain matin. Morgen früh. Mais revenons au verbe sortir. Sortir se dit ausgehen. Ausgehen. Donc, je sors. Ich gehe aus. Ich gehe aus. Ich gehe aus heute Abend. Ou ich gehe heute Abend aus. Aus est une particule séparable. La particule, accentuée à l'infinitif, est suffisamment forte pour s'éloigner du verbe. Morgen früh signifie donc tôt le matin, c'est-à-dire demain matin. Mais vous pouvez aussi parler de morgen vormittag. Mittag, c'est midi, la moitié du jour, comme on a minuit. Et vor signifie avant. Ça s'écrit V-O-R, donc vormittag. C'est le moment de la journée avant midi. La matinée. Morgen vormittag, demain dans la matinée, ou morgen früh, demain tôt. Bien, on avait vu comment dire je vais à et nous allons à. Donc, nous allons à Francfort. C'est wir gehen. Oh, ça serait une longue marche, vous ne croyez pas? Ah oui. Wir fahren. Oui. Wir fahren. Vers, en direction de, se dit nach Frankfurt. Nach. Bien. Wir fahren nach Frankfurt. Nach a un autre sens. Nach veut aussi dire après, comme dans après-midi. Alors, à votre avis, comment dit-on après-midi? Midi, nous l'avons vu, c'est Mittag. Nachmittag. Nachmittag. Très bien. Donc, cet après-midi, pour dire cet après-midi en allemand, on dira aujourd'hui après-midi. C'est-à-dire... Heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Très bien. Et demain après-midi? Morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag.